À la base, moi je suis là pour déconner. J'ai commencé dans le parking avec les rats, tu connais. Emmène la vitesse, tous les jours c'est pas du comique. Et puis c'est moi, je sais que je suis l'acteur de ce que j'ai commis. Et 2020 c'est fini, qu'est-ce qui nous attend l'euro? Parce qu'on sait pas de quoi sera fait demain, dans ce monde c'est bizarre. Ils nous envoient des virus, ils nous enferment au mitard. Ils nous font croire que le bonheur il s'est perdu vers Ibiza. Mais bon, on est que de passage, j'ai soufflé 26 bougies. C'est loin l'époque où on dansait tous sur du boogie woogie. J'ai mon crâne sur la puits-tête, y'a mon pied collé au plancher. J'ai vu des mecs qui suivent des mecs, et même quand ils vont pisser. C'est quoi la tête sans le shit? C'est quoi la vie sans les flics? C'est quoi l'allemand sans ses potos, sans sa famille, son équipe? Wellou, wellou, wellou, wellou, 6-9 la trique, ouais, pélo. Représentant de la ville, je mets des buts comme El Fenomeno. Dans ce fils de pute de rap, je suis venu avec les potos. Si c'était 15 piges en arrière, t'écouterais dans ta Punto. Dans un 406 V6, Wingolf 4R32. Avec ton pack de 12, la fume à 52 bœufs. Pour toutes les cités, love and peace, personne va nous diviser. Avant le showcase, la boule au ventre, ça passe pas quand je vais pisser. Je suis pas du côté de la victime, je suis du côté de l'accusé. C'est nous en que c'est toi qui repars cicatrise au visage. Et aujourd'hui c'est une époque où tout le monde dit les bizarres. Ils veulent le beurre, ils veulent le buzz, ils veulent la beurrette qui passe. Et pélo, moi je veux m'en sortir et je m'en bats avec de qui reste. Oh, c'est fini les promesses, tu peux rien quand t'agonises. Mais toi je sais pas, t'es un fils de traite comme Baffet Chimbi Gomis. J'aime bien les chauds qui ont des couilles et qui les portent en camis. Pas ceux qui jacquent trop à tout le monde et même à ta mise. Tu nous connais, nous les ratus, on la met trois fois ta mise. Je mets mon tapis comme Bernard, rêvant d'une vie plus peinard. C'est moi qui provoque toute l'action et je te laisse tirer le péno. Chez nous y a pas de numéro 10, y a que des numéros d'écrou. Y'a des frérots qui deviennent fous et qui ramassent des mégots. Ça vend du shit et de la bœuf mélangé à l'extasie. Y'a vers chez nous tu trouves de tout, le four c'est la pharmacie. Du jeune t'as la scellée de Sao, enfume toi si t'es primaire. Moi je suis comme toi, j'ai fait de la tôle, enfermé tout un hiver. Enfermé pendant l'été, on reste debout même quand y'a rien pour sortir de la cité. À la base je voulais pas faire du sang, je voulais faire du foot. Puis je me suis perdu en route, problème de ligament. En vrai j'avais la mentale du hoot. À penser quoi faire pour que demain soit meilleur qu'hier. Toujours des pensées qui me rapprochent de ma folie meurtrière. Ça fait la mafia dans la neuseau, mais en rien dans leur maison. Avec du shit en tête, fini meilleur buteur de la saison. On a tous un côté rancunier, tous un petit problème d'ego. Tout le monde n'a pas le même but en tête, vu que c'est chacun sa vie d'un. Y'a pas Tony Montana, la coque c'est pour les rameurs. Ce que je retiens de la cité de Dieu, c'est que Béné s'est fait tout mal.